Obligation du fournisseur d'eau. Le fournisseur d'eau n'a pas l'obligation d'attirer l'attention de son abonné sur une consommation anormale provoquée par une fuite. Voici une illustration de ce principe. À la suite d'une fuite, la consommation d'eau d'un immeuble de bureau était passée de 800 euros par an à 15 000, puis à 21 600 euros au cours des deux années suivantes. L'entreprise locataire avait refusé de payer au propriétaire les factures d'eau et celui-ci a alors poursuivi la société et le syndic, estimant que ceux-ci avaient commis une faute ayant contribué à cette surconsommation. Une cour d'appel a condamné le fournisseur d'eau à verser au propriétaire 20 900 euros de dommages-intérêts, estimant qu'il avait une part de responsabilité dans le dommage. Mais ce jugement a été censuré par la Cour de cassation au motif qu'aucune disposition légale ni aucune stipulation contractuelle n'imposait au fournisseur d'eau d'informer son abonné de l'existence d'une consommation anormale. Quant au syndic, chargé d'un simple mandat de transmission des factures d'eau qui lui étaient adressées pour le compte du propriétaire, il n'était pas tenu d'alerter son mandant quant au contenu de ces factures, c'est à retenir. Notez une précision d'importance concernant le fournisseur d'eau potable. Celui-ci doit en informer sans délai l'abonné. S'il constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causé par la fuite d'une canalisation, à défaut, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne. Attention car ce texte ne concerne que l'eau fournie en vue de l'alimentation d'un local d'habitation. En dehors de cette hypothèse, le fournisseur d'eau n'est pas tenu d'informer l'abonné s'il constate une surconsommation.